Sont-ils des geeks ? Sont-ils fanboys ? Sont-ils des otaku ? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Mais il ne s'agit pas que d'interdire la plage, il faut engager un homme pour tuer ce requin ! C'est un filou. Et je l'aurai. Et je le tuerai. Ce requin, il avale tout ce qu'il voit. Cette nouvelle pastille, d'habitude on vous propose des duels de nanars. Là on a décidé d'opposer un bon film, pour ainsi dire un chef-d'œuvre, contre un nanar ou un AV, Les Dents de la Mer, contre The Meg, donc en français, En eau trouble. Quelques anecdotes sur Les Dents de la Mer, parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais déjà, bon, je vais présenter Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, il est sorti en 1975, réalisé par Steven Spielberg. C'est son deuxième film, après Sugarland Express. Il avait fait aussi Duel, qui était considéré comme un téléfilm au début, mais qui est ensuite sorti au cinéma. Et ce film met en scène le shérif Brody, qui est incarné par Rush Ryder. On retrouve aussi au générique Robert Shaw dans le rôle de Quint, le pêcheur-chasseur. Et il y a aussi Richard Dreyfuss qui rejoue le rôle de l'océanographe Matt Hooper. Alors Richard Dreyfuss, il a retrouvé Steven Spielberg un an après pour Rencontre du Troisième Type en 77. D'ailleurs, Rencontre du Troisième Type, c'est l'un des films cultes, il me semble. À parler du Rencontre du Troisième Type, oui, bon, ce sera un peu dans leur sujet, mais là, je pourrais faire quelques anecdotes dessus. Notamment que c'est l'un de mes films préférés de Spielberg, parce que sur tout ce qui est néo-évémérisme, moi ça me parle. C'était vraiment un grand classique, un grand Spielberg, et puis avec une histoire moi qui m'a complètement pris à contre-pied la première fois que je l'ai vu, quoi. Je m'attendais à un film d'horreur avec des extraterrestres qui bouffent des gens, un truc comme ça, je le dis honnêtement. Puis quand je vois le genre que ça a fait, Rencontre du Troisième Type, je trouve qu'il est parti dans le même truc que Jaws. C'est plus dans le qu'est-ce qui arrive, on voit pas vraiment ce qui arrive, etc. Et puis toute cette démarche psychologique des personnages, et puis arriver à cette fin à la fois grandiose et à la fois un peu pathétique. On va faire un peu d'hors sujet, mais ça nous plaît aussi de faire ça, de dire que Rencontre du Troisième Type, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. La science-fiction, il n'y a pas à dire. Chez Steven Spielberg, on a soit le chef-d'œuvre, soit le super nanar. Je suis peut-être un petit peu rude, mais Rencontre du Troisième Type, c'est un peu dans la même lignée que Tel Extraterrestre, sauf que c'est un peu plus adulte. C'est vrai qu'il y a cette fin qui est grandiose, notamment la scène de finale avec François Truffaut au-delà de la montagne, où on découvre justement les petits extraterrestres et ce grand vaisseau, cet énorme vaisseau spatial qui... C'est vrai qu'il faut... C'est un film qu'il faut voir sur grand écran, parce que sur une petite télé, moi j'ai découvert sur une petite télé, et ça fait pas le même effet, moi, je trouve, visuellement. Non, le rendu, il est pas pareil. Voilà, c'est un film qui est grandiose. Moi, la fin m'a un peu perturbé plus parce que avec le recul, c'est un peu. J'ai dit pathétique juste à l'heure, mais je voulais juste plus dire, c'est une fin facile à la hollywoodienne, happy end, quoi. Un peu une fin à la Cocoon numéro 1, tu vois, tout va bien. Ouais, c'est ça. On se fait enlever par des extraterrestres, mais ça va. Ils ont des bonnes raisons. Ils sont amicaux. Donc ça m'a un peu plus dérangé sur la fin, mais pas plus que ça. Je veux dire, j'étais tellement pris par l'histoire que la fin m'a pas dérangé, mais c'est vrai que, cette scène sonore est inoubliable déjà. Puis même tout le film est inoubliable parce que c'est une quête des personnages qui ont vécu des trucs extraordinaires pour des personnages ordinaires. D'ailleurs, Truffaut le dit bien dans le film. Et puis arriver à cette démarche de pouvoir aller jusqu'au bout pour s'accomplir en tant qu'humain. Et après, accessoirement, aller faire un tour dans l'espace, c'est quelque chose moi qui m'a parlé et qui continue à me parler maintenant. Puis il y a une nouvelle vision de l'extraterrestre pour moi dans ce film parce que l'extraterrestre avant les années 70, c'était beaucoup des extraterrestres belliqueux qui venaient sur la Terre très peu finalement. Pour améliorer l'espèce humaine. Bon, je pense le jour où la Terre s'arrêta, où là on a plus un extraterrestre qui veut nous prévenir du danger du nucléaire. Là, il est amical. ET l'extraterrestre est un peu dans cette continuité. Et Cocoon, tu parlais de Cocoon et c'est exactement ça. C'est cette période où finalement il y a un peu cette vision un peu naïve de l'extraterrestre, du bon extraterrestre, quoi. Ouais, puis si tu prends Cocoon, peut-être pour clore l'aparté quand même, si tu prends le film Cocoon, c'est des extraterrestres qui arrivent, ils font leur business, ils en ont rien à foutre de ce qui arrive sur la Terre, quoi. C'est pas vraiment leur problème. Et ils se sentent juste redevables une fois qu'ils se sont fait aider par des habitants. C'est tout. On était dans l'espace, mais là, on va redescendre dans l'océan. C'est mieux quand même, parce que c'est le thème de notre terra maritime, on va dire. Voilà, on va un peu redescendre dans les abysses. Steven Spielberg, grand réalisateur, 45 ans de carrière, on va dire, et puis près de 90 films. Et puis là, pour revenir aux Dents de la Mer, c'est que l'intrigue se passe à Amity, qui est une petite station balnéaire. On retrouve le cadavre d'une jeune fille complètement mutilée. On constate qu'au début, ce serait un accident d'hélice de bateau. Mais il s'avère que c'est une espèce de monstre marin qui sévit et qui commence à s'attaquer, notamment cette scène incroyable de panique sur la plage d'Amity, avec, on va dire, des autorités qui veulent pas entendre raison, notamment le maire qui est toujours dans cet esprit de vacancier et de rendement. Il n'entend pas le problème et le carnage continue, quoi. C'est ça le truc. C'est aussi le fait de dénoncer que bah, les autorités, bah, ils s'en foutent un peu tant que leur notoriété fonctionne, quoi. C'est la pleine saison et le maire, il se dit bah, je vais perdre beaucoup d'électeurs et de cash si je crée un mouvement de panique et j'interdis les baigneurs. Donc du coup, est-ce qu'on peut sacrifier des vies au niveau du profit? Bah voilà, c'est un peu la thématique qui est employée, qui est employée là, quoi. Puis après, bah, toute la thématique aussi de on se débrouille nous-mêmes sans faire appel à des forces qui seraient un peu plus supérieures aux nôtres. C'est ça. Genre l'armée ou des trucs comme ça. En fait, on a deux parties bien distinctes dans ce film. C'est qu'on a une première partie qui se situe sur l'île d'Amity avec bah, le chef Brody, Matouper qui arrive pour faire le diagnostiquer le fait que bah, qu'il y a vraiment un monstre marin qui rôde. Et puis il y a cette deuxième partie qui est intense et qui nous fait vraiment immerger, on va dire. Mais on est complètement enfermé avec les trois personnages sur le bateau de Quint, quoi. Et ça devient un huis clos, une espèce de huis clos de chasse maritime, quoi. Ouais, de chasse maritime, de la prédation vers le requin, et ça fait un mélange qui nous permet de se renouveler au niveau du film, c'est-à-dire qu'on a tout ce qui est mercantile au début, et puis après on a tout ce qui est un peu plus chasse du requin, quoi. Et c'est vrai que ça donne deux rythmes différents dans le film, mais qui arrivent à coller ensemble, je trouve. Si le personnage principal du film, c'est aussi le requin, c'est celui qu'on voit pas pendant une heure et demie, quoi. Pourquoi ? Parce que quand on apprend quelques notes de les différents problèmes qu'ils ont eu sur le tournage, c'est qu'ils avaient construit un requin de 8 mètres qui pesait une tonne, et en animatronique, et l'animatronique ne fonctionnait pas vraiment, donc il y a eu des retards dans le tournage, des dépassements de budget assez faramineux, et donc le film est quand même sorti, mais Spielberg a préféré, on va dire, la vision subjective du requin, c'est-à-dire que ça commence dès le début avec la formidable musique de John Williams. Quelle impression ça t'a fait d'entendre cette formidable musique Bah moi, si j'entends cette musique juste avant d'aller me baigner, je vais pas me baigner. Ouais, c'est clair. Bah, tu vois, elle est oppressante, elle est angoissante. Ça te donne l'impression d'un danger qui rôde, mais que tu vois pas. Donc la musique est franchement bien trouvée. Oui. Ce fameux thème que je vous mets maintenant. Voilà, c'est un thème inoubliable, je veux dire. Dès qu'on pense à ça, on pense aux Dents de la Mer ou des mèmes faits sur le danger. On peut dire que ce thème a été repris dans pas mal de films. Je pense à Le Chien de Flic avec James Bellucci, où à un moment, il y a le chien qui essaie de glisser sous le lit, et puis il y a le thème des Dents de la Mer qui joue. Parlons un petit peu de l'influence sur la culture pop tout à l'heure. Revenir à ce requin qui, finalement, pose problème et qui a poussé, justement, Spielberg à plus de créativité pour au niveau de la mise en scène, justement, d'avoir la caméra qui soit témoin carrément. Quand on a des proies qui nagent ou qui sont dans la détresse, on voit l'eau, on voit la vitesse du requin. On voit pas l'aileron, on voit l'aileron très peu, quoi, finalement, pendant une heure et demie. Et c'est après une heure et demie que le requin se déclare, c'est-à-dire que quand il y a la chasse et qu'ils sont quasiment pris au piège dans l'océan, quoi. C'est ça, en fait, le principe. Et donc, cette vue subjective du requin, bah, ça permet, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir un requin qui est pas là juste pour faire requin, mais qui est là complètement pour être un personnage. L'antagoniste, c'est le requin. Et c'est un personnage comme les autres. Tout y est filmé de son point de vue, hein, quand il voit des belles jambes à croquer, ou des trucs comme ça. Et du coup, bah, ça affiche encore plus les jetons, parce qu'on arrive à s'identifier dans ce requin, et c'est assez exceptionnel pour un film de l'époque. Bah, c'est un peu le génie de Spielberg, on va dire, hein, de s'adapter aux conditions de tournage. Ouais, bah, moi, il y a certaines séquences qui m'ont fait assez bondir sur mon siège quand la première fois que je l'ai vu. Bon, je pense déjà à la première séquence qui est assez sous tension, quand la jeune fille se fait tirer les jambes par en dessous, ou ce soit l'exploration du bateau du pêcheur au fond de la mer. Alors, je sais pas si tu te souviens de cette scène, mais quand il explore et qu'à un moment il y a un trou qui passe, ah, il y a une tête avec un œil percé. Là, je crois que c'est la scène qui m'a fait le plus bondir sur mon siège. Ouais, un peu de jumpscare. À l'époque, c'était pas très courant, donc ça va, ça passe. C'est des scènes aujourd'hui qui seraient complètement téléphonées. Hein. C'est ça. Pour l'époque, ça passait. Bah, il était précurseur. Hein. Ouais. Personne n'avait encore fait trop de jumpscare à l'époque ou des trucs comme ça. Et conclusion, même quand c'est pas le requin qui faisait flipper, on avait quand même des autres éléments qui arrivaient à faire flipper. Le requin, on s'attend à le voir surgir aussi. Après, la scène de nuit, il a pas eu cette facilité, on va dire, à faire que le requin il soit présent dans cette scène où il explore le bateau. Mais on voit que quand il y a des explorations maritimes, je pense au James Bond, souvent t'as des requins qui arrivent, ça y est, et le personnage est en danger, il faut qu'il nage jusqu'au bateau, sinon il va se faire croquer. Et encore, là, dans cette scène-là, t'as toujours l'impression que le personnage est en danger parce que c'est tourné de telle façon que t'as peur, et puis encore une fois, la musique qui est derrière et que t'as l'impression qu'il va arriver quelque chose à tout moment. En fait, oui, il y a le rattachement de la musique au monstre. C'est du John Williams, hein, il s'est un petit peu adapté au thème classique et il est réussi avec beaucoup de talent. De toute façon, la musique a été récompensée par de nombreux Oscars. Il y a eu pas mal de récompenses et Dans l'ensemble, c'est quand même un chef-d'œuvre de la Terra Maritime. Quand je regarde ce film, je me lasse pas. C'est-à-dire que je peux le regarder plusieurs fois. J'ai toujours la même Terra, même si je connais les scènes par cœur, hein, à force de le voir. Mais j'ai toujours plaisir à m'immerger dans cet univers. Et les personnages sont tellement bien campés parce qu'on n'a pas trop parlé des personnages et des acteurs. Moi, j'aime beaucoup Ralph Schneider. Schneider que j'avais vu dans French Connection ou bien dans la série Sequest. Je sais pas si tu te souviens de cette série qui se déroulait dans un sous-marin. C'est un acteur que je trouve qu'il y a beaucoup de subtilité dans son jeu. Et ce qui est fort, c'est qu'ils sont tous les trois différents dans leur jeu. Aussi bien Robert Shaw dans le rôle du pêcheur Quint, qui est assez rude, qui est même inquiétant, hein, des fois. Il est ambigu dans sa façon d'agir. Ce personnage-là était traité comme un psychopathe. Et ça fait un petit peu, seul un psychopathe peut traquer un requin psychopathe. Mmh. Oui, puis je me souviens de cette scène où c'est une scène de dialogue, hein, toute simple, qui se passe dans le bateau Tweet, et il raconte justement l'histoire de l'USS Indianapolis où il était militaire et puis il livrait une bombe. Tous ses compagnons étaient dévorés par les requins, quoi, parce qu'ils ont crevé la dalle et ils savaient plus quoi faire. Lui, il avait survécu. Mais dans cette scène, il y a tellement une intensité dans le jeu que tu te dis, ouais, il y a même son regard qui est très inquiétant. Et puis il y a même on voit que la lampe elle bouge, la houle de l'océan qui passe. Donc t'as la lumière qui passe de Quint aux deux autres personnages et c'est super bien fait. C'est en termes de mise en scène, j'ai trouvé ça assez chouette. D'ailleurs, on va y revenir tout de suite et on y reviendra plus tard. Spielberg a eu d'énormes problèmes avec son requin parce que il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait précisément. Et donc là, les effets spéciaux, ça a pêché dans ce film. Conclusion, il s'est rattrapé sur le jeu d'acteur, sur la mise en scène, sur l'ambiance. Donc si on a un bon scénario, des acteurs fantastiques et une ambiance musicale très bonne, voilà, ça pallie l'effet spéciaux qui est pas bon. C'est ce qui fait la différence d'un chef-d'œuvre d'un nanar, quoi. Je vais revenir sur les acteurs. Il y a Richard Dreyfuss, que moi j'aime bien, il cabotine un peu, mais dans l'ensemble c'est un personnage qui se... En fait, le chef Brody et le Matt Hooper sont des personnages qui sont assez attachants. Quint, c'est un petit peu l'électron libre, un peu ambigu entre deux. Et je trouve que le trio fonctionne bien et que le choix des acteurs est judicieux, quoi, finalement, dans cette histoire. Voilà tout ce qu'on pouvait dire. Je pense qu'on peut-être que tu as une petite conclusion pour ce film. La conclusion, moi, ouais. Pour Jaws, parce que j'ai du mal à dire Les Dents de la Mer, hein, parce que ces titres français, je veux dire, qui n'ont aucun rapport avec le titre original, hein, ce qui est d'ailleurs le cas dans The Meg en Eau Trouble. Je vois pas trop l'intérêt de dire ça en Eau Trouble. Donc moi, Jaws, il a mis les bases pour le film de genre requin, on va dire. Et le problème, c'est qu'il a fait aussi beaucoup de mal aux requins, ce film. Ouais. Parce qu'on a eu quand même une période de chasse aux requins blancs. Alors je dirais pas spécialement à cause de ce film, mais les Japonais s'en sont bien servis quand même pour aller bouffer un peu d'aileron. Donc voilà. Mais c'est un film qui, franchement, qu'au niveau cinématographique, en tout cas, pour moi, il est quasiment irréprochable, du grand Spielberg, et puis qui a mis les bases de l'horrifique, on va dire, sous-marin. Et il faut signaler aussi que, pour l'anecdote, c'est le premier il est reconnu comme le premier blockbuster américain, vu qu'il a fait pas mal d'entrées, malgré tous les embûches qu'il a connues. C'était pas Star Wars le premier blockbuster, c'était Les Dents de la Mer, effectivement. Et c'était le premier blockbuster américain d'été. Sans dire c'est l'été, il y a du monde qui va aller en salle, on va mettre un film comme ça. Oui, et puis il y a eu une influence néfaste sur les plages parce que il y a eu beaucoup de gens qui ont déclaré qu'après ce film, ils regardaient plus l'océan de la même, les plages et la mer de la même façon, et ça fait un petit peu reculer les baignades, on va dire. D'ailleurs, regardez les articles US de l'époque, on arrive à en trouver quand même pas mal, genre sur les anciens postes du Huffington ou des trucs comme ça. On a des articles de mecs qui déclaraient avoir vu des ailerons de requins et tout le monde se barrait. Ouais, enfin, ils ont des hallucinations, mais bon. Est-ce que l'alcool et tout ce qui est les drogues de base de l'époque n'ont pas joué aussi quelque part, mais bon. Comme dirait Stan Lee, hein, les années 70, ça n'a pas fait que du bon. Comme tu disais, il y a la chasse au requin blanc et ça a continué parce que il y a eu 3 suites à ce film. Le 2, le 3 et le 4, la revanche. Où là, on partait un peu de n'importe quoi avec les héritiers justement de Brody, qui affrontait justement un requin qui est un petit peu revanchard. Hein. Même dans le 4, le requin, il veut se venger, donc il veut se venger de la famille Brody, donc il va jusqu'aux Bahamas pour essayer de les dézinguer. Donc on est là, on est vraiment dans la débilité la pure et simple, quoi. De toute façon, faire une suite à Jaws, c'était impossible. Oui. C'est-à-dire, le film était tellement bien amené, tellement bien tourné, puis Spielberg en a tellement chié avec ce requin que il a dû faire plus dans le psychologique, hein, carrément. Après, le problème, c'est qu'ils ont eu le budget pour faire les effets. Alors qu'ils ont compté que sur les effets. Mais voilà, donc Spielberg, lui, a galéré avec ses effets, et conclusion, il a fait un bon film en se rattrapant sur tout le reste, et eux, ils ont fait l'inverse, ils ont fait un film à chier en comptant que sur les effets spéciaux. Je vais dire que le 2 passe encore, niveau vision. Par contre, le 3 et le 4 sont immondes, quoi. Faut pas les regarder, parce que c'est une véritable insulte au premier film, quoi. Déjà, il y a ces films-là, puis il y a tous ces ersatz italiens qui sont sortis après, où il y avait des récupérations de... En fait, on récupérait des images de documentaires, et on montait avec des effets spéciaux un peu cheap, avec de la tomates à tout va. Donc ça faisait des films vraiment de l'esprit de très Z, très mauvais, des acteurs qui étaient quand même pas terribles non plus. Il y a toute cette vague, d'ailleurs il y a un très bon livre qui est sorti là, il n'y a pas très longtemps, Pas de requin, qui revient un peu sur tout ça. Ben, ça a continué, hein, le requin était très mal vu, hein, que ce soit dans le cinéma ou même dans... Il y avait... Le problème c'est que ça c'est un peu desservi l'image du requin qui est un prédateur certes, mais qui s'attaque très rarement à l'homme quoi finalement. Il y a un bon reportage qui était sorti sur la chaîne National Geographic qui parlait justement des requins par rapport à un film Jaws ou Sharknado ou tous les trucs comme ça, et qui faisait la comparaison en fait. Apparemment les requins, ça bouffe un surfeur une fois de temps en temps parce que ça les confond avec des phoques. C'est ça. À la forme que ça a. En général, les surfeurs sont pas dévorés entièrement parce que apparemment on n'a pas bon goût pour un requin. Bon, ils ont de la chance parce qu'ils perdent qu'une jambe, entre guillemets. Entre guillemets. Ouais, ça aurait pu être pire, ils auraient pu être avalés tout croc. Donc cette légende du requin tueur, bah elle est complètement fausse. Hein. Faut le dire, hein. C'est vraiment une image d'une imagerie d'horreur, quoi, finalement, qui est un peu nocif à la bête, quoi. Mais qui est entrée dans l'imaginaire collectif. Ouais, c'est ça. Alors que les gens devraient plus se méfier des requins de la bourse. C'est dans la pop, quoi. D'ailleurs, je voulais glisser une anecdote, je sais pas si tu te souviens, mais dans Retour à le futur, il y a un petit clin d'œil à Joyce. Oui, on voit Joyce numéro je sais plus combien, et on voit un requin en hologramme choper Marty McFly. C'est ça. Et puis il se cache, et puis ça, une scène qui nous a fait pouffer de rire à chaque fois. Ouais, et puis il disparaît. En plus, t'as la musique un peu remixée derrière. L'ère du cinéma virtuel déjà. Un petit clin d'œil de Zemeckis à son pote Spielberg. C'est ça, tout à fait. C'est pas innocent vu que Zemeckis est souvent produit par Spielberg. Donc, il y a eu pas mal de cette vague de requins. Et puis, dans les années 2010, là, ça n'a pas arrêté. Ça a été les méga sharks et les productions Asylum de basse qualité où on voyait le requin pouffer le Golden Gate ou carrément s'envoler pour manger un avion, quoi. Voilà, puis c'était Sharknado, un truc dans le genre. Ouais, il y a aussi une tornade avec des requins dedans. Alors donc, mais je veux dire, le mec qui a fait ce film, je sais plus qui c'était, mais il était pas vraiment fait pour être pris au sérieux ce film. Non. Il l'avait dit. Il dit non, moi je voulais faire un truc marrant à la Planet of Doom ou un truc comme ça, quoi. Donc, mais il comprend pas que ça a fait tant de succès que ça. Et conclusion, ils ont surfé sur la vague. Enfin, voilà. Ouais. Et puis ils ont fait des suites et des suites à la con, quoi. Sharknado, il y en a 6 de film en film. Faut avouer que c'est quand même plus en plus. On tombe plus en plus dans la cabotinage, dans le surjeu, dans tout ce que tu veux. Bah, dans les séries Z de l'époque. Hein. Ouais, dans les effets spéciaux. Vraiment cheap, tu vois le truc qui est sorti de la PS2, quoi. Comme tu dis, il y a Sharknado, il y a les méga sharks, les requins à 3 têtes, à 4 têtes, à 5 têtes. Bah oui, un requin à sous tout seul, ça faisait plus assez peur. Alors on est parti dans plus en plus gros, plus en plus nombreux, ou alors qu'ils descendent du ciel et puis qu'ils bouffent des gens. Ou bien le requin mécanique contre le robot géant, ou tu vois. Ouais, qui part dans le film l'esprit kaiju, mais sans toute la saveur derrière. Zeri Z, quoi, l'esprit du Z. Ouais, c'est complètement des esprits. Ouais. Il y en a même qui sont même pas sortis au cinéma. Non, mais de toute façon, c'est tous des directs, tout vidéo. Donc, par contre, s'il y en a un qui est sorti au cinéma, c'est celui dont on va parler. C'est le plus grand requin qui ait jamais existé. Un fossile vivant. Une espèce qu'on pensait éteinte depuis plus de 2 millions d'années. Grosse erreur. Alors, En eau trouble. Moi, je comprends pas ces titres français, encore une fois. Ben là, ça m'a... Tu vois, ce titre-là, ça m'a rappelé Piège en eau trouble avec Bruce Willis. C'est bizarre de faire des titres comme ça, En eau trouble. Ben, t'as pas envie d'aller le voir si tu connais pas l'histoire. Tandis que The Meg, ou alors Le Meg, c'est pourtant Le Meg, le mégalodon, ça colle, le ou alors Le Mégalodon. Ouais. Là, ça te donne déjà envie de plus d'aller le voir. Bon, même si vous faites arnaquer si vous y allez. Mais tu vois, c'est bizarre de faire des titres à la con comme ça, même Les Dents de la Mer. Ah, il faut croire que c'est le marketing qui décide des titres. Il y a pas que ça, il y a plein de problèmes de titres. Des fois on fait des titres anglais et il reste anglais mais c'est un autre mot, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est débile. On ne sait pas, comme au Canada par exemple, où ils vont te traduire je sais pas moi, The Meg, je sais pas comment ils l'ont traduit, peut-être qu'ils l'ont. Bah, le problème au Canada c'est que nous on est déjà champion du chauvinage, mais alors eux il faut absolument qu'il y ait un titre en français. D'ailleurs, une petite anecdote comme ça que je vous raconterai après, c'est à dire que si le film est traduisible, c'est à dire The Meg, donc ils l'ont appelé je pense Le Meg ou Le Mégalodon ou un truc dans le genre, parce qu'ils sont obligés, c'est une loi comme ça, c'est il faut une traduction fidèle française. Par contre la seule exception c'est quand le film Chérie j'ai rétréci les gosses est sorti. Ils ont pas pu le renommer Chérie j'ai rétréci les gosses pour la simple raison que des gosses au Canada, c'est des couilles. Donc, En eau trouble, avec Jason Statham, qui fait du Fast and Furious sous l'eau. C'est ça en plus. Exactement ça. Donc le film réalisé par John Turtletaub, pas très connu ce réalisateur et puis un peu oubliable. Et puis comme tu le disais, l'immense Jason Statham, un monument de charisme je veux dire. Bah, le titre dans les années 80 de ce film aurait été Jason Statham présente The Meg. C'est ça. Et le film qui repose uniquement sur son nom en fait. Ah uniquement. Ouais. Bah, cherchez pas, cherchez plus loin. C'est un film Jason Statham. On met un tampon Jason Statham, on tamponne, fait c'est validé, il y est dedans. Un peu comme Dwayne Johnson avec The Skyscraper ou Jumanji. Ou... Ouais c'est ça. Donc pour moi c'est un peu Warner Bros a voulu être opportuniste. C'est-à-dire qu'il a vu que il y a en DTV les Sharknado et compagnie ça marchait pas trop mal. Donc qu'ils ont voulu faire leur mégalodon, super mégalodon de 21 mètres, excusez-moi. Bah en fait, c'est l'inconvénient de ce que je disais tout à l'heure, c'est que un requin c'est fait, un requin encore un petit peu plus gros c'est fait, plusieurs requins c'est fait, le requin qui a trois têtes c'est fait, le robot requin c'est fait. Bon, on va faire encore plus grand, on va faire un mégalodon. On va rappeler un petit peu l'histoire pour lancer un peu le débat. Par contre, je tiens à prévenir tout de suite, il y aura forcément des spoilers, sinon on pourra pas comparer avec Jaws. Donc oui, si vous n'avez pas vu le film, regardez-le d'abord. Donc il y aura une alerte spoiler en temps voulu. Bah, je vais même la faire maintenant, l'arrêt de l'alerte spoiler, parce qu'en fait, on va devoir partir dès l'intrigue, un petit peu les points de comparaison, et à mon avis, sans spoiler, on va avoir beaucoup de mal. Bon, d'accord, de toute façon, est-ce qu'il y a beaucoup à spoiler dans ce film, franchement, vu la qualité de l'œuvre. Voilà, je rappelle un petit peu l'histoire, c'est que, en fait, Jason Statham est rappelé parce qu'en fait, il y a un mini sous-marin qui est en perdition dans une faille. Donc, première scène donc de ce film, c'est Jason Statham qui s'en va sauver des gens dans un sous-marin. Parce que voilà, c'est apparemment un sauveteur plutôt sous la mer. Et à un moment, le sous-marin, il se fait balloter dans tous les sens, on sait pas ce que c'est. Et du coup, il abandonne le reste qui est à l'intérieur et il sauve les mecs qui ont. Ouais, c'est ça. Et voilà, Jason Statham maintenant est traumatisé, il va devoir vivre avec son traumatisme. Ouais. Spoiler, qui va faire sauter en moins d'une minute. Il picole. Gros spoiler, il picole. Ouais, il picole, ouais. Version ch'ti de Statham. Ouais, donc il y a cette intro. Qu'est-ce que t'en penses de cette intro déjà dans une première? Ah, c'est pour montrer déjà que Jason Statham est badass. Tu sais déjà qu'il va devoir affronter son traumatisme parce qu'il aura peur de plonger, parce qu'il a dû sacrifier l'équipage et quelques-uns de ses amis. Et en plus, tout le monde s'est foutu de sa gueule parce qu'il a dit que le sous-marin était attaqué par une grosse bête, genre un mégalodon. Ouais, déjà en ce temps-là avec le sous-marin. Bon, en tout cas, c'est revenu plus tard dans le film quand ils disent ouais, c'est un mégalodon. Et t'as Statham qui regarde son copain et qui fait alors, je te l'avais dit. Donc ils vont dans Bahamas ou une île comme ça, et puis ils vont le chercher, et puis finalement, il a pas l'air si traumatisé que ça, moi, je trouve. Ouais, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait une faille, et qu'il y avait un gros nuage d'hydrogène, ou quelque chose, sulfure d'hydrogène, et qu'en dessous de ce nuage, ils pouvaient en voir encore une vie en dessous de la faille. Ouais. Alors moi, je voudrais juste dire que les mecs, normalement, vous êtes tous morts. Parce que si vous plongez du haut pour aller jusqu'en bas dans la faille, ou à regarder Abyss, vous êtes morts, les mecs. Avec la compression, vous êtes foutus. Donc déjà ça m'a choqué. Et puis, donc la femme de Statham, comme par hasard, va explorer, et puis ils se font attaquer par on sait pas quoi au début. C'est ça. Et du coup, comme le sous-marin est HS, donc ils vont chercher Jason Statham pour sauver la situation. D'ailleurs, ils vont chercher Jason Statham, donc ils vont en hélicoptère aux Bahamas, on est d'accord, ils vont en hélicoptère aux Bahamas, ils reviennent avec Jason, qu'il faut arriver à le convaincre. Jason, il rentre dans le sous-marin, il va aider les gens, et pendant donc tout ce temps-là, l'autre, elle a même pas eu le temps de faire un petit trajet, la chinoise, pour aller les aider. C'est-à-dire qu'il rattrape le truc en 5 minutes, quoi. C'est-à-dire, t'as l'autre qui dit, je vais aller les sauver, je vais aller les aider, et le temps qu'elle descend, t'as Jason Statham qui est arrivé des Bahamas en hélicoptère, équipé son sous-marin, qui a fait des travaux dedans et qui arrive en bas. Tu veux dire qu'il y a une différence de temporalité entre les deux, quoi. Ouais, il y a une timeline qui est pas pareille. Ouais. Là, on est un peu dans l'univers, dans le mégaverse, dans le mégalodonverse, tu vois. Ouais. Bah déjà, ouais, tu mets déjà en lumière tous les quelques incohérences et puis ça va continuer dans ce film, de toute façon. C'est pour ça que je dis sans spoiler, ça va être bien. Donc voilà, quand t'as un peu présenté l'équipage, bon, il y a la chinoise, il y a la petite fille là, qui a pas peur des requins. Voilà, donc équipage totalement oubliable parce que tous les acteurs, on va savoir vous dire aucun nom. Oh. Même les noms des personnages, on va pas savoir vous le dire. Par contre, Statham, ça, vous allez l'entendre. Ouais, bah, on voit que lui, mais il y a une grosse équipe. Bon, c'est un peu une caricature de ce qu'on peut voir habituellement. Moi, j'ai pensé à Peur Bleue. Je sais pas si vous l'avez vu, Peur Bleue avec les requins qui vont vite là. Ça m'a fait plus penser à l'équipage à Abyss dans les stéréotypes. Abyss, t'es quand même un niveau au-dessus. Hein. Dans les stéréotypes, je parle, parce que dans Abyss, tous les personnages sont attachants. Dans The Meg, tous ceux qui crèvent, tu te dis ouais, ok. Ouais, c'est ça, c'est que il y a un c'est aussi le problème du cinéma américain. On exploite tellement les caricatures qu'on n'arrive plus à nous imposer des personnages attachants, quoi. C'est ça le gros problème. Même la fille de 7 ans, elle est même pas attachante. Ouais, non, elle est pas terrible non plus. Et voilà, quoi. Ben, il y a la scène de la faille. Bon, il remonte. Alors donc la scène de la faille, ouais. Moi, tu parlais d'une pieuvre géante. Ouais, c'est ça. Et ça, j'ai trouvé super bien, par contre. Ouais. Parce qu'au début, tu te dis c'est le mégalodon direct. C'est ça. Et quand j'ai vu cette pieuvre entourer le machin. Je me suis dit, waouh, c'est bien amené, c'est pas le mégalodon direct. Et après, quand tu vois qu'elle se fait manger, quoi, tu te dis, là, la menace est encore plus grande. Oui, il y a un petit canal, il y a 20 lieues sous les mers, c'est quand elle s'enroule autour de la capsule de la chinoise pour l'écraser, quoi. Mais comme tu dis, on voit un petit peu le requin, mais on le voit pas, on voit une partie, on voit pas complètement. L'équipage remonte, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que, finalement, il y a un baleineau qui se balade. Bah en fait, tout va pas bien dans le meilleur des mondes, parce qu'il faudra parler aussi de cette scène, comme quoi c'est un film quand même qui est américano-chinois, parce que le premier qui meurt, c'est un japonais. Et donc, tu vois, tout va pas bien dans le meilleur des mondes, parce qu'ils arrivent à remonter tout le monde, sauf le japonais, qui fait un gros éclairage pour se faire bouffer par le mégalodon. Oui, comme ça, les c'est autres le japonais peuvent qui joue dans Lost, d'ailleurs, il me semble, ouais, c'est pas lui. Il s'appelle Toshi, je crois, ouais. Quelque chose de genre. Donc lui, il sacrifie, quoi. Et lui, il sacrifie. Donc, tu vois, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais venir, c'est le premier qu'ils font claquer. Les Chinois et les Japonais, c'est un peu comme, on va dire, les Flamands et les Wallons. Ça d'accord. S'entend pas du tout. Ouais, donc, c'est vrai qu'il y a vraiment une adversité là-dedans. Ah ouais. Et donc voilà, là après il remonte et puis voilà, tout va bien, c'était le fond. Bon, on va quand même continuer à explorer parce que ça peut ramener du cash et puis à partir de là, tout part en couille. Il y a ce côté dent de la mer numéro 3 qui revient, c'est-à-dire qu'on a la base sous-marine avec vue extérieure, il y a un baleineau qui passe, il est bien gentil, mais le baleineau, bah, il se fait croquer, quoi. Et puis le requin qui fonce contre la vitre, elle est solide la vitre, hein, franchement. Bah moi, si je créerais une bête contre une bête de je sais pas de combien de tonnes. Moi, si je créerais une station sous-marine, moi je la ferais en verre aussi. Hein. Aussi, ouais. Bah, c'est moins solide, c'est plus rigolo. Ouais. Non, mais franchement, le mec, il s'attaque à une vitrine comme ça, il pète tout en vérité. Ah bah oui. Ouais. Et puis bon, il y a tous les intrigues dans la station et on y découvre, il y a un super requin, il doit faire 21 mètres de longueur, ce requin, un truc comme ça. Donc le requin, bien sûr, il va chercher à bouffer, hein. Il va un petit peu rôder à l'extérieur parce qu'il voit que de toute façon dans la station, il y a pas moyen de croquer quelque chose. Bah ouais, puis enfin le requin en plus, il est vachement intelligent parce qu'il se dit tiens, ils viennent d'où ceux-là ? Ah, ils viennent d'en haut. Bon, allez, je vais percer le plafond. C'est clair. Donc après t'as cette fameuse scène où ils essayent de l'attraper. Enfin, de lui coller une espèce de sonde. Alors, je comprends pas cette scène, parce que ils se disent, on va aller lui coller un tracker, puis en même temps, ils se disent, on va lui injecter un poison. Bah, vous collez pas un tracker si vous lui injectez un poison, je comprends pas votre truc. Ça n'a pas de sens, hein, de toute façon, tout ce film n'a pas de sens, hein, c'est ça le problème. Okay. Et là, t'apprends que Jason Statham, il est aussi rapide qu'Aquaman, quoi. Ah, ça m'a fait penser à Waterworld, moi, quand ouais, il fait ça, la pêche Costner. Au monstre marin. Ouais, ouais. Kevin Costner qui nage comme le prince Namor ou Aquaman, si vous connaissez un petit peu les références comics. Enfin bref, le requin, il est rapide, mais Jason Statham, il est encore plus rapide, quoi. En plus, c'est une scène qui est bien faite, mais on s'attend à un jumpscare, forcément, ouais, parce que il met sa tête dans l'eau. Moi, j'aime pas avoir la tête dans l'eau. Il met sa tête dans l'eau, puis une il regarde, il y a rien. Une fois, deux fois. Ouais. Une fois, deux fois. Puis voilà, ça, c'est le moment angoissant, mais tu t'attends franchement à un jumpscare. Mais moi, je m'attendais à ce qu'il voit la gueule du requin, pas juste le corps. Donc ça, ouais, mais ça fait un peu gros, hein. Il serait juste à côté, tu vois. Là, il arrive de loin quand même. Ouais, puis il a une oreillette. Alors, les autres, ils lui disent même pas qu'il y a un requin à côté de lui. Ouais. En plus, il le voit arriver parce que vu la masse du truc, il est pas discret, quoi. Je veux dire. Il arrive quand même à bouffer les bateaux, quoi. C'est ça. Alors cette superbe scène où il se jette littéralement sur le cadavre d'un autre requin, j'ai pas compris, ils étaient deux finalement. Donc ils finissent par attraper le mégalodon. Et là moi j'ai vu le coup arriver. Déjà un, il l'attrape trop tôt, puis deux, t'as Jason qui dit oh regarde tiens c'est pas les mêmes traces de dents que sur la vitre. C'est ça ouais. C'est exactement comme dans les dents de la mer quoi en fait. Et puis du coup tu te dis bon il va y avoir un deuxième requin et puis là paf un autre mégalodon encore plus gros qui saute pour bouffer le premier mégalodon et puis voilà quoi. C'est une référence aux dents de la mer quand ils attrapent le requin tigre et que Matoupe dit ah bah c'est pas la même circonférence de mâchoire, il dit ouais non c'est pas le requin qui a mangé la jeune fille du début. Et là c'est exactement la même scène, c'est pas le même, c'est pas la même morsure, donc il y a forcément un autre qui se balade quoi. Ouais, il y a Statham qui dit tiens c'est bizarre, c'est pas la même taille de mâchoire. Puis à ce moment là puis bien sûr moi quand je viens d'attraper un mégalodon, déjà un je reste en mer parce que je sais pas hein, quand il y en a un deuxième comme ça je suis sûr en plus il est pendu plein de sang. Puis l'attirer. Puis il pendouille plein de sang, bon ça c'est discutable. Et puis surtout, je me balade au bord du bateau. Hein? Surtout. Comme ça je suis sûr de me faire bouffer s'il arrive autre chose. C'est sûr. Et puis lui il vole, hein, il vole carrément dessus pour attraper le requin, le deuxième. Je sais pas, il vole carrément dessus. À la Jurassic World, quand il y a le requin qui se fait bouffer par la bête préhistorique, Mosasaur. Enfin bref, le Mosasaur, ouais, le Mosasaur. Le Mosasaur, enfin la bête aquatique immense. Et puis là, bah pareil, quoi, il saute. Il attrape le truc et il bouffe. Donc le machin, il bouffe des requins de plusieurs tonnes. Mmh. Mais après, il a encore faim. Il dit, je mangerais bien un humain ou un caniche. Faut quand même beaucoup d'hommes hein, pour nourrir une bête comme ça. Et puis moi, je voudrais revenir sur le fait que dans ce film, voilà, t'as la scène là, et à chaque fois que t'en vois un qui fait le guignol, ou qui est sûr de lui, etc., à chaque fois, ça rate pas, il crève. Il y a une vanne et il crève. Il y a une vanne et il crève. Après, t'as un moment, t'as un gros plan sur la tête du médecin, et tu te dis, bon, bah lui, il va crever. Et en effet, il fait son héros pour sauver Jack, et puis il crève. T'as le deuxième mort, t'as le savant japonais. Ouais, aussi. Bah, ouais. Lui qui meurt pas bouffé par le requin. Non, non. Ça. Mais bon. Il fallait qu'il meure quand même, hein, parce que Japon. Je crois qu'il est chinois d'ailleurs, parce qu'il parle chinois, je pense. Bon, l'actrice, elle est chinoise, de toute façon. On continue un petit peu plus loin, on va arriver sur la scène qui pose vraiment énormément de problèmes, c'est la scène de la plage. Alors, oui, cette scène pose énormément de problèmes. Alors, je sais pas si tu veux y revenir ou si tu peux attaquer. Vas-y, tu peux attaquer. Mais quand t'es un requin... À grande dent. Quand à grande dent, je vais mâcher un grand coup dans ce film. Quand t'es un requin, enfin, je veux dire, tu te balades pas à des eaux profondes d'une dizaine de mètres. Surtout si tu fais plusieurs tonnes, et là apparemment ça le gêne pas. Il se promène dans la baie comme ça, il bouffe des baigneurs, et puis tu vois des algues, et que c'est pas profond quoi, limite t'as les pieds. Puis t'as le mégalodon qui se balade là-dedans et qui fait son marché. En gros, il a trouvé le supermarché du coin avec de l'humain à bouffer. En plus, les baigneurs, ils voient pas qu'il y a une immense forme noire qui est en dessous d'eux. Tu vois un truc énorme. Il est censé faire combien de tonnes, ce machin? Ce qui est plus de 21 mètres, parce qu'il arrive à bouffer un machin de 21 mètres, donc il doit faire une cinquantaine de mètres. Moi, je suppose que si ce machin, t'as, je sais pas, une écume, une onde, un truc comme ça. Quoi. T'as quelque chose, c'est obligé qu'il y ait une vibration quelque part. Comme si t'étais en train sur un bateau et qu'il y avait un sous-marin qui passait, je pense que tu serais bien. Quand même, le requin il doit quand même bouger ses nageoires, bah, il doit déplacer de l'eau quand même. Pour avancer quoi. Puis même quand il ondule, il y a des ondes de choc quelque part. Moi ça me paraît complètement incohérent. Et puis il y a cette scène qui est complètement ridicule, c'est quand t'as l'espèce de japonais avec son espèce de bulle là, qui court dans sa bulle. Alors, il va se faire bouffer, c'est obligé. Alors on dit japonais, mais je sais pas si c'est pas en Thaïlande ou un truc dans ouais, le nord. Enfin bref, asiatique, ouais. Et puis lui, tu le vois arriver. Hein. T'as un gros plan sur sa gueule, dis, bon bah lui... Il va se faire croquer. D'ailleurs, c'est un film moi, que je trouve très bien au niveau de l'écologie, parce que voilà, ils font bouffer du plastique au mégalodon. Je trouve pas ça terrible. Puis moi, ce truc, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de sang. C'était pas très gore comme film. Non, ils ont dû alléger le Peggy, je pense. Ouais. C'est vraiment le film light, comme tu dis, c'est adapté pour les adolescents. Faut pas qu'il y ait trop de sang, faut pas qu'il y ait de bras qui volent ou de têtes qui volent ou de barbac, malgré que le truc il est assez gros et qu'il croque. Il suffirait d'ouvrir la bouche pour qu'il avale quasiment toute la plage. Il a son plancton, on va dire, comme les baleines pour avaler leur propre nourriture. Ah, puis il a un sacré appétit, hein. Ouais. Enfin, on veut dire, en 24 heures, il bouffe une baleine, un baleineau, un autre mégalodon, une pieuvre, un petit millier d'humains. Mmh. Il a appétit, le mec, hein. Mais bon, il est redoutable, mais personne le voit. C'est quasiment comme s'il était invisible. Un requin que personne ne voit, je peux te dire, ouais, ok, d'accord, mais le truc de plusieurs tonnes, faut pas se foutre de nous, quand même. On voit que c'est quand même destiné à quelqu'un qui est pas exigeant au niveau cinéma, quoi. Ouais. Bon, puis c'est un requin hipster, hein, il adore manger asiatique. Mais bon, dans l'ensemble, c'est vrai que bon, ça se termine vraiment aussi. Je vais plus vite que toi, je fais cela. Je sais plus comment il meurt déjà. Ça se termine à la Fast and Furious. Oui, c'est ça. De toute façon, après, il n'y a rien d'autre à raconter. Non. Si ce n'est qu'apparemment, il ne mange pas de caniche. Parce que t'as ce truc avec le cul. Il y a la très mauvaise blague avec le savant qui veut le tuer, puis qu'il se retrouve sur un cadavre d'orque, je crois. Ah oui, c'est ça. Donc il le mange. Ils ont tué une baleine, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, donc il mange deux baleines, le mégalodon, dis donc. Et puis il passe le mégalodon, il croque un bout de la baleine et ça passe à 5 cm du savant qui est content parce qu'il a survécu et puis il revient. Pouf, il rebouffe le savant. Mais ça, on le voit d'arriver de loin. On le voit arriver de loin. Mmh. C'est un peu comme le financier qui se fait bouffer dans Jurassic Park. C'est ça. Il voit arriver de loin. Mmh. Quoi. C'est ça, c'est les victimes potentielles. Ouais, puis bien sûr, moi je trouve un mégalodon, je préviens aucun gouvernement. Donc le mec, il appelle sa milice privée, ça va être pour ça que c'est tourné en Asie, parce qu'il tire sur le mégalodon et ils le font fuir. Mmh. Mégalodon qui le suit loin d'ailleurs, de 15 km, je crois. Et puis après, il dit bah allez, tiens, je vais y coller des explosifs dans la gueule au mégalodon. Donc il balance des explosifs dans l'eau parce qu'il y a vu le sonar qui a repéré une grosse masse, puis il tue une baleine, puis il se fait bouffer par le mégalodon, et puis t'en entends plus jamais parler de l'équipe de choc. Donc après, il y a l'épisode du caniche. Ce passage où il y a un mariage sur un bateau, les gens vont à l'eau, et puis ils voient une grosse masse arriver. Comme quoi, tu le vois arriver, il voit arriver des kilomètres et des kilomètres avant. Tout à fait. Et puis il y a un petit chien que tu crois qu'il se fait bouffer, quoi. Puis à la fin, non, le chien est vivant. Puis G13. Donc tu vois, apparemment, les Chinois, tu peux bouffer du japonais, ça va. Mais du petit chien, ça passe pas. Il est allergique au clébard, apparemment, le requin, mais bon. Donc, ouais, bah ça se termine, on va peut-être... Après, c'est directement la fin, c'est-à-dire que c'est Jason poursuite, Statham... Je dis Jason Statham parce que les autres personnages, ils sont assez secondaires là-dedans. Ouais. Donc ils se disent, on va aller avec deux sous-marins à la Fast and Furious, et puis, on va lui péter sa gueule avec des bombes fabriquées artisanalement, des roquettes. Ouais. Donc tu vois, ils ont même des roquettes sur leur station, donc moi je suis un peu embêté au niveau des armes. Je m'attendrais presque à voir Dwayne Johnson et Vin Diesel arriver, tu vois. Bah en plus, ça fait un peu ça, moi je suis désolé, ouais. t'as les mecs qui accélèrent avec son sous-marin, là le mégalodon il arrive à arracher un petit bout du sous-marin et ça fait des débris, des shrapnels, ouais. des débris, machin. Et puis après t'as Jason Statham qui dit, ouais je vais le poignarder, je vais le saigner à blanc, et puis il éventre un requin avec une lame de 10 cm d'un débris. Qu'est-ce que c'est là cette scène, je me souviens plus de ça. Et le mégalodon, donc ça a pas une peau très large apparemment, un mégalodon. Bah apparemment la peau du requin est quand même assez dure. Hein. Bien que toujours en dessous c'est plus fragile, mais enfin à ce point-là faut pas se foutre de notre gueule quoi. Non mais bon. Et puis après il lui enfonce un harpon dans l'œil, et puis des machins dans les yeux, il s'accroche avec un couteau au mégalodon, et là tu te dis ok, un mélange entre Machete et Fast and Furious. Pour dire que c'est très mauvais, que cette scène de mort dont je me souvenais plus parce que de toute façon elle m'était sortie de la mémoire parce qu'elle est tellement débile que c'est Jason Statham versus The Shark, méga Shark quoi finalement. Et puis après faut dire aussi que le mégalodon il se fait bouffer par une flipotée de requins. Alors ça c'est un petit peu bizarre aussi parce que... Bah moi j'y ai vu comme une métaphore du cinéma hollywoodien grandiose qui se fera toujours bouffer par les petites productions. Du moment que les petites productions ont de bonnes intentions. Est-ce que tu penses que c'est aussi fin que ça dans la manière de faire, dans la manière de... Je prie pour que oui parce que sinon ce film il a rien pour lui. Ah bah non, mais il a rien pour lui de toute façon. Toi, sur notre avis général, je pense que toi, tu as mieux apprécié que moi, je pense. On n'a pas vu dans le même esprit. Moi, j'avais vu Jaws après celui-là, et quand j'ai vu celui-là, je me dis, je vais aller voir une connerie parce que j'ai envie de me vider la tête. Ça a marché, tête vidée, pas de problème. Ouais. Mais par contre, t'es tellement bien vidé que pour se ressouvenir, pour faire le podcast, c'est dur. C'est très dur. J'ai vu comme ça, je sais pas si je me suis endormi ou quoi, mais je me suis beaucoup ennuyé. Et quand je m'ennuie, ça veut dire que c'est très mauvais, que de toute façon, j'ai envie d'oublier. Il y a même pas de scène comique, de scène un peu comique auxquelles se raccrocher parce que les personnages sont tellement mauvais. Statham, il est pas bon non plus. De toute façon, c'est pas un grand acteur, mais là, il le prouve une fois de plus. Il était meilleur dans Expendables, que ce soit le 1, le 2 ou le 3. Ouais, le problème, c'est qu'il y avait Stallone avec lui, donc il y avait intérêt quand même à être bon. Mais même à part, quoi, je veux dire, dans Expendables, il joue la carte à fond de on est badass, quoi. C'est ça. C'est un peu leur marque de fabrique. Là, c'est je suis badass et j'aime bien les petites filles. Attention, pas dans le sens pédophile du terme. Dans le sens, tu vois, dans il est amical et tout. Paternel, quoi. Ouais, il est sympa, mais enfin, le mec, il passe quand même d'alcoolique névrosé à super-héros en moins de 24 heures. Ouais, mais là, il y a l'histoire de l'alcoolique. Moi, je suis pas d'accord parce qu'on le voit vraiment que il fait très mal alcoolique quoi. Une minute même pas une minute, et puis en plus je veux dire c'est censé être une épave, et puis voilà quoi, c'est, je veux dire, il surmonte sa phobie de retourner dans l'eau en 20 secondes. Ouais, c'est le stade du super-héros qui revient vite, le naturel revient au galop quoi, c'est ça le truc. Voilà, il doit transcender sa condition et ça lui prend 20 secondes. T'as trouvé que c'était convaincant au niveau des... Est-ce que le requin, t'as trouvé que c'était fake ou t'as trouvé que visuellement, bon, ça tenait encore la route Non, c'est des films qui peuvent plus tenir la route. Le but du jeu, c'est de faire toujours plus grand, plus costaud et plus inquiétant. Bah, le problème, c'est que ça colle pas, parce qu'il y a pas de... C'est encore un film, une fois, qui compte que sur ses effets spéciaux et Jason Statham pour faire de l'entrée. Bon, Jason Statham, on peut en dire ce qu'on veut. Moi, je trouve qu'en acteur, bah, c'est pas un acteur, c'est un mec d'action. C'est un peu Jackie Chan. Jackie Chan n'est pas un bon acteur, quoique dans son dernier film, on y croit quand même plus, même dans Karate Kid, on y croit quand même. Tandis que là, Jason Statham, c'est les gros bras, les sous-marins, c'est les véhicules à gros pistons, et puis le méchant, c'est un requin à gros bras aussi, quoi. C'est un peu le Dwayne Johnson des requins. Ouais, c'est ça, c'est. Ouais, t'as raison de comparer un peu ces deux grosses masses. Comme tu dis, bon, Statham, c'est l'action man, c'est le gars qui a deux expressions. Ouais, c'est dans un peu un Christophe Lambert sous stéroïdes, quoi. Ouais, c'est ça, c'est dans l'ensemble, moi je le déconseille complètement si vous l'avez pas encore vu. Quoique, je pense qu'il a fait pas mal d'entrées ce film déjà, parce qu'il était sorti au mois d'août déjà. Ah, il est encore à l'affiche. Il est encore à l'affiche. Donc c'est qu'il doit encore faire quelques entrées. Moi, personnellement, je vous conseille pas spécialement d'aller le voir, sauf si vous voulez voir un truc où faut pas se prendre la tête et vous verrez les scènes d'action. Si Fast and Furious, ça vous a plu, vous pouvez aller voir ce genre de film. Ouais, mettez votre cerveau sur pause, puis c'est tout, quoi. Je peux vous le conseiller, mais seulement dans cette optique-là, si vous y allez pour voir un film intéressant, non, mais passez votre chemin, allez voir d'autres choses. Autant on a été volubile pour Les Dents de la Mer, parce que on en a parlé beaucoup, mais il y a encore beaucoup à dire aussi sur ce film. Les Dents de la Mer, on peut que l'encenser, parce que c'est un film, malgré l'époque, je trouve qu'il n'a pas vieilli. Et de l'autre côté, dans l'autre côté du Dark Side, on va dire, on a The Meg en eau trouble. Là, un film qui a compté que sur ses effets spéciaux et qu'on va oublier, qui va passer à la trappe. C'est clair, c'est dans le tas de série Z, à l'Asylum, enfin tous les films italiens, et c'est exactement du même acrabie pour moi. Donc duel remporté par Jaws haut la main. Ah bah de toute façon, oui, ça c'est clair. Toi tu mets une note à Jaws, tu mets 5 sur 5 je suppose. Non, Jaws peut pas mettre 5 sur 5, il y a quand même 2-3 trucs qui pêchent et des trucs qui ont mal vieilli. Donc je lui mettrai un bon 4,9 sur 5. Bah moi je lui mets un 5. Et pour The Meg, bah un beau 0 pour moi. Hein, moi je lui mets un 2 quand même. Ah bon. Vous pouvez aller le voir pour vider la tête. T'es un adulte quand même, t'es un mec adulte quand même. C'est un Fast and Furious avec un requin, c'est pas plus compliqué que ça. C'est ça. Donc voilà, un 2 sur 5. Mais n'allez pas voir ça si vous voulez voir un grand film. Il nous faudrait un plus gros bateau. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.